Les passions de l'homme. Livre audio gratuit, œuvre philosophique de René Descartes. Lecture par Amila Grobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.commons.